Bonjour à tous et bienvenue dans Les Retraités s'activent, un rendez-vous radio avec les retraités accompagnés par le service Entourage, service de lien social de la communauté de communes du Val d'Amboise. C'est la cinquième émission qu'on réalise ensemble aujourd'hui. Alors je sais pas vous, mais nous on est ravis. Nous aussi. Donc à chaque émission son thème, nous avions commencé par une présentation un petit peu de chacun d'entre vous, en tout cas ceux qui étaient là lors de cette toute première émission. On avait ensuite parlé du « C'était mieux avant », une autre émission sur laquelle on avait abordé les métiers d'autrefois. La dernière fois qu'on s'est vu, on a parlé papilles avec les recettes. Chacun avait donné ses petites recettes. Et aujourd'hui, on va voyager puisque le thème d'aujourd'hui, c'est la retraite et les voyages. Alors, avant de démarrer, j'aimerais qu'on souhaite la bienvenue à Guy puisque c'est la première fois qu'il est avec nous autour de cette table. Peut-être juste vous demander une petite présentation. Guy, d'où venez-vous? Voilà, il y a Marcel qui vous tend le micro. Bon, ben, je m'appelle Guy. J'ai 86 ans pour l'instant, mais ça ne va pas durer. Je suis retraité quand même depuis quelque temps. C'est tout, j'ai rien de spécial à dire. J'ai connu Morissette quand on faisait du théâtre, en 90, 1900. Alors on parle de notre Morissette et nain, hein. Faut qu'on précise obligatoirement parce qu'on en a deux. Voilà, ben j'ai rien d'autre à ajouter. D'accord, bah bienvenue Guy. Merci, et merci de nous avoir invités. Alors les voyages, ça c'est un très très beau thème. Qui veut se lancer sur son plus beau souvenir de voyage? Alors, Étiennette, par exemple, quel est votre plus beau souvenir de voyage en France? Vraiment une région, un lieu, une ville que vraiment vous aimez? Ben, moi, c'est l'Aveyron, pas tout par là, les montagnes. C'est un beau souvenir, quoi, c'est ça. Oui. La montagne plutôt l'hiver ou l'été? Ah, l'été. Ah oui? L'été, oui, pas l'hiver, non. Non, si, j'y étais l'hiver, mais j'ai été au Mont d'Or l'hiver. Au Mont d'Or. Ah oui? Faire du ski. Et puis voilà. Autrement, non. Mais alors, l'Aveyron, les ponts, tout ça, le pont du pont du Gard et tout ça, ça c'est magnifique. Ah par oui, là. C'est ça, magnifique. Ça m'a plu beaucoup, moi, ça par là. Autrement, j'ai pas beaucoup voyagé, à part la France, le Tour, le Midi. Vous êtes jamais sorti de l'Hexagone? Si, j'ai été une fois en Espagne. D'accord. Une fois en Allemagne. Ah, vous voyez, quand on cherche. Oui, bah, hein? C'est vrai, oui. Mais c'est tout. Je pourrais être beaucoup plus loin. D'accord. Voilà. Bien. Et vous avez préféré l'Espagne ou l'Allemagne à choisir? Oh, bah, l'Espagne quand même, parce que c'est plus vers la chaleur, vers le beau temps. Malgré que quand j'ai été en Allemagne, il faisait beau aussi. Alors, Très bien. Voilà. Merci, Étiennette. Bah, c'est tout. Hein. Allez, c'est à Morissette. Bon, bah, Morissette, elle a fait des voyages de quelques jours. Bon, il y a la famille, il y a les amis. Bon, je me souviens de mon premier voyage en Espagne. Mon fils venait de naître. Ma belle-mère l'avait gardé. Et nous étions partis avec ma fille qui avait 4 ans. Et nous étions passés par la frontière, du côté de Bayonne. Oui. Et la frontière, la route, d'un côté, c'est le vide. Et je me souviens que j'ai ma fille qui disait à son père: va au bord papa, va au bord papa, parce que maman elle avait peur. Alors elle était contente de ce voyage, et ça je me souviens. Mais autrement c'était bien, il faisait chaud, c'était au mois d'août. Mais le voyage aussi fatigant, parce que on était parti de la région parisienne, il avait fallu traverser tout Paris, et à midi nous étions qu'à Poitiers. Ah oui. Alors, on était partis à 5 heures du matin. Ouh là là. Alors, bon, mais c'était quand même des bons souvenirs. Bon, puis partout, puis la France est belle. J'ai un souvenir aussi que j'ai été dans l'Aveyron. Je voulais aller voir le pont de... Le viaduc de Millau. Le pont de Millau. Je suis allée à Millau. On a été visiter le musée, tout ça. Et puis, ben, je ne suis pas montée sur le pont parce que la personne qui était avec moi avait le vertige, n'a pas voulu. Oh. Alors, donc, voilà, mon voyage... déçu, mais je l'ai fait après. Mais bon, mais c'était... Il y a plein de beaux voyages. Et puis la France est très belle. Et justement, un coin en France qui vous serait particulièrement cher? Oh, ben moi, j'ai de la famille. J'ai découvert de la famille avec ma généalogie. en Ille-et-Vilaine, du côté de Rennes. Ah. Alors voilà. Alors bon, ben, c'est particulier pour moi, quoi. Mm. Mais bon, partout, partout où je suis allée, c'est beau. Mais là, je vais aller dans le Nord, parce que je ne connais pas le Nord. Ah oui, c'est à découvrir aussi, oui. Ouais, là, je vais aller à Dunkerque au mois de la dernière semaine de mai. Alors. Voilà. Alors, c'est, ouais, je me tournais vers Gérard, parce que quand on parle voilà. du Nord... voilà, pour moi, c'est beau. Ça veut dire petite dune, en fait. Prenez le micro, Gérard, dites-nous ça. Dunkerque, en flamand, on dit Dunkerque. Et c'est, ça veut dire petite dune. À chaque fois que vous entendez le mot, la fin, le mot se termine par « oke », c'est pour redonner un diminutif, un petit. D'accord. Petit. Je peux parler de mes voyages ? Ah bah allons-y. Moi, j'ai la chance d'avoir pas mal voyagé. La chance que j'ai eue, c'est j'ai une grande amie ici qui est d'origine marocaine. Donc je suis parti et je vais partir encore là pendant des années. J'allais directement dans sa famille où j'ai connu la ville, Casablanca. J'ai connu la campagne, ce qu'ils appellent la Robie. C'est notre campagne à nous, avec moins de choses quand même. Ouais. Ça m'a permis de voir aussi, étant donné que je n'avais pas l'aspect touriste, et que donc son beau-frère Mohamed m'emmenait partout. Mm. J'ai aussi vu des choses comme des bidonvilles, les enfants qui font la quête, qui voilà. Il y avait aussi une grande misère. Et d'ailleurs, une fois, j'ai ma fille, la dernière, qui était encore petite et qui se plaignait de la taille de sa chambre. Donc j'ai organisé un voyage. Puis on est rentré dans un bidonville. Ah oui. Ouais, et je lui ai dit, maintenant, quand tu vas rentrer à Paris, tu vas l'apprécier, ta chambre. Mm. Et puis, par contre, aussi, je suis allé dans le sud marocain, Agadir, Tantane. On est passé en Algérie, puisque il nous a dit, le guide, que la frontière était là, donc j'ai mis un pied de l'autre côté. Ah oui. Et c'est rebelle, hein, j'avais pas de visa. Faut pas trop jouer à ça. Et puis, la vie de tous les jours, quoi, le vivre simple, oui. Apprendre à manger le couscous à la main, se mettre autour du plat unique. Mm. Pas faire de chichi, parce que bon, je me rappelle une fois, on était parti dans la montagne voir sa grand-mère. Et elle vivait encore sous la tente, la khaïma, la tente en poil de chameau et tout ça. Oui. Là. Ça, c'est la vérité. Hein. Mm. Et le soir, quand on est arrivé, c'était tagine de hérisson. Mm. Et je me suis dit, bon, à partir du moment où il n'y a pas les piquants, ça ne va pas être mauvais. Et alors ? Bon, ça ressemble un peu au lapin, mais c'est vraiment très petit. Hein. Une fois que vous avez retiré l'enveloppe, il ne reste pas grand-chose à bouffer. Hein. Donc, il y en avait 4 ou 5. Mais d'un autre côté, je me suis dit, qu'est-ce que je vais aller faire du chichi pour des gens qui m'offrent ce qu'ils ont pour eux, pour eux-mêmes. C'est vrai. Et puis d'autres choses, quoi. Ah oui, j'ai parlé du chameau. Un truc qui m'avait vachement impressionné, j'en ai mangé d'ailleurs, c'est qu'au Maroc, il y a des boucheries de chameaux. Ah en oui. général, vous avez la tête du chameau qui est pendue dehors pour indiquer que c'est vraiment un chameau. Et le chameau, il ne mange que la kefta, la viande hachée. D'accord. Et elle est réputée pour être très bonne pour les diabétiques puisqu'elle est encore moins grasse que la moins grasse des viandes. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Et puis j'ai donc toutes ces années-là, j'ai vu le changement dès que Hassan II est mort. Et que Mohamed VI a pris le pouvoir, le changement, l'arrivée du tram à Casablanca, à Rabat aussi. Et c'est un pays qui s'est vraiment ouvert. Ah oui. Du coup, y a une couche moyenne qui est sortie de ça, dont fait partie la famille de mon ami. Et cette couche moyenne, elle a accès à des choses que pour nous, on parlait du minimum. Mais ils ont accès à une nourriture, à tout ça. De toute façon, au Maroc, la nourriture, au niveau de la nourriture, il y a un truc qui se passe, c'est que... Moi, des fois, d'ailleurs, ça me rappelait les années 60 en France. Il y a une énorme entraide. C'est les voisins, tout ça, ça compte. Ils partagent ce qu'ils ont, etc. Oui. Quand ils savent qu'il y a une vieille personne qui n'a rien... ils vont faire, quand ils font le couscous ou quelque chose, automatiquement, ils invitent. Ouais, ouais. C'est très communautaire. Et d'ailleurs, on retrouve sur notre territoire, d'ailleurs, hein, les communautés marocaines, musulmanes, plus largement, ça partage énormément. Ouais. D'ailleurs, une fois par mois, et surtout pendant le mois de Ramadan, là, il y a vraiment... Il n'y a personne qui crève de faim. Quoi. C'est vrai. Il a une obligation. Vous connaissez tous le nom du maire. Vous le connaissez tous, ce nom. C'est le caïd. Le mot, il vient de là. Hein. Ah oui, oui. C'est le maire du coin. Hein. Et en fin de compte, une fois par mois, il doit organiser un repas pour tous ceux qui n'ont rien. Et pendant le mois Ramadan, il doit ouvrir, en fin de compte, une espèce de boutique et tout le monde vient servir de ce qu'ils ont besoin. La base. La base, c'est la farine, la semoule, les légumes, etc. Et par certains côtés, je trouve que ouais, ça me rappelait un peu l'entraide avec le voisinage quand on était enfant, quand j'étais enfant. Et puis j'ai fait aussi, étant donné qu'avec le club que je menais, j'avais des élèves qui venaient d'Afrique, donc je suis parti en Côte d'Ivoire. J'ai fait le côté chrétien, le côté musulman, puisqu'il avait sa famille là-bas, à Yamoussoukro. Et puis là aussi, j'ai vu, quelquefois, on a honte d'être blanc, quoi. Je vous le dis sincèrement. Hein. Parce que quand les vieux du village y racontent comment on s'est comporté, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible. Ça remet en place. Ça remet en place sur certaines choses. Et là, par contre, c'est dès l'arrivée à Abidjan, tu descends de l'avion et tu sens que c'est pas le même soleil, c'est pas l'odeur de l'air, tout ça, c'est complètement différent. La première nuit, je l'avais passé dans un quartier un peu touristique à Cocody. Et là, c'est la misère qui côtoie l'ultra-richesse. Avec tout ce que ça se comporte. Il faut regarder les gens qui sont ici, là, auxquels on dit, ouais, c'est des immigrés, ils viennent nous prendre, etc. Il faut comparer avec la misère qu'ils ont là-bas. La prostitution des enfants. Moi, je l'ai vu, ça, dans des bars, avec les blancs qui viennent se servir. Et je veux pas dire que ça me fait du bien, mais ça remet les choses en place. Ça remet les choses en place. Parce que mettons-nous à la place de tous ces gens-là, les Marocains, les Algériens, tout ça, l'Afrique noire... On leur fait miroiter que, parce que c'est ce qui se passe, c'est qu'on leur fait miroiter qu'ici, on se baisse pour ramasser l'argent. Or, évidemment, c'est pas ça. Hein. C'est pas du tout comme ça, vous le savez bien. Hein. Et c'est quelque chose qu'il faut regarder d'un peu plus loin, ne pas avoir trop de jugement parce qu'il vient prendre quoi ? Il vient prendre le boulot. Rappelez-vous le sketch de Fernand Reynaud. Je suis pas un imbécile, je suis douanier. C'est un sketch écrit donc, dans les années 50 qui est complètement là-dessus. Complètement là-dessus, le boulanger. Depuis, on n'a plus de pain parce qu'il est parti, il était boulanger. Voilà, quoi. Parce qu'est-ce que j'ai fait encore ? J'ai la chance aussi d'avoir une maman qui était belge, de Flandre. Et là, la Belgique, on y allait 3-4 fois par an. On montait en Belgique, donc je connais très bien le Nord. À part Douai, qui est une ville un peu bizarre. C'est parce que Christiane est de Douai. Non, à Douai, il y a juste un beffroi, hein, c'est tout. Et puis voilà, quoi. Donc, si quelqu'un veut le micro, je ne vais pas monopoliser le tout. Hein. Donc là, on était un petit peu du côté du Maghreb. Le Maghreb, l'Afrique noire. L'Afrique noire et la Belgique. L'Afrique de l'Ouest. Et puis après, j'ai fait tous les pays d'Europe, hein, comme tout le monde. L'Espagne, l'Allemagne, j'y allais très souvent. On y allait très souvent parce que ma mère parlait l'allemand aussi. Donc, on y allait très souvent. On passait par Maastricht. Vous connaissez Maastricht ? Oui. Vous avez voté non contre. Et puis, c'était facile avec ma mère quand on allait en Allemagne, quoi. Oui, c'est vrai, il faut que je parle devant le micro. Quelqu'un ? Il y en a d'autres qui sont allés au Maroc, par exemple ? Moi, j'ai été au Maroc. Ah là, Étiennette, elle avait oublié tout à l'heure. Vous pouvez reprendre le micro, Étiennette ? Oui, j'ai été au Maroc. Où ça, au Maroc ? Pas très loin, Marrakech. Et puis ici, on a monté dans L'Atlas ? Dans l'Atlas, voilà. Oui. Et on a mangé chez l'habitant. Ah, c'est super. Hein. Oui. Ah oui, c'était bien, c'était chouette ça. Alors là-bas, vous avez des petites sources qui coulent. Ils mettent les boissons en dessous, ils appellent ça le frigo berbère. Oui. Et voilà. Oui, on a mangé chez l'habitant. C'était sympa, mais on ne mange pas sur une table. On s'assoit sur des canapés et puis on mange tout autour. Oui, c'était sympa, oui. Voilà. Eh bien, il y en a d'autres qui connaissent le Maroc ou la Tunisie ou l'Algérie ou ces pays-là ? L'Algérie un peu, Guy ? C'était pour les besoins de l'État. Ah oui. Marcel. Alors moi, je n'ai pas vraiment beaucoup voyagé en dehors de la France. Je suis allée une fois au Portugal, c'est tout. Mais par contre, en France, on a vraiment des choses à voir. Ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Et je crois que la région qui m'a plu le plus... C'est l'Aubrac. J'ai été fascinée par l'Aubrac et par les vaches. Bon, j'ai fait un séjour d'une semaine à Saint-Enimie et on est allé sur le plateau de l'Aubrac. Et j'ai pris plus de photos de vaches, je crois, que du mariage. Et c'est vraiment une région fascinante. Voilà. On parlait cuisine la dernière fois, mais l'Aubrac, c'est l'Aligo, non ? Oui, l'Aligo. On est allé manger dans un buron. Ils appellent ça des burons. C'était les hébergements d'été des vaches. Ils faisaient des fromages et puis ils les redescendaient après. Et on a mangé de l'Aligo. C'était le propriétaire, c'était celui qu'on voit sur toutes les publicités de l'Aligo. C'était un gros propriétaire et en même temps, il était éleveur et il avait des boucheries un peu partout. Mais j'ai vu un peu toutes les régions de France. Il n'y a pas beaucoup de régions que je n'ai pas vues. Mais franchement, l'Aubrac, c'est fascinant. C'est étonnant. Voilà. Et aussi, au cours de certains petits voyages, j'ai des souvenirs cocasses. Je suis allée, j'avais 15 ans peut-être, en Bretagne et en Normandie, parce que je suis allée au Mont-Saint-Michel et on m'a dit que c'était normand. J'étais habillée pour la journée, bien sûr, parce que c'était un voyage d'une journée, avec une jupe parapluie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces jupes parapluies. J'en ai eu une, moi. J'ai pas passé une bonne journée. C'était pas une bonne idée pour aller en Bretagne. Ah bah oui. Entre le vent et les escaliers, les Japonais ont dû se régaler. Il n'y avait pas beaucoup de Japonais à l'époque parce que j'étais très jeune, mais les gens qui étaient derrière, ils rigolaient bien. Oui, parce qu'avec le voilà, vent, c'est tout. Juste des souvenirs cocasses. Comme ça. Mais c'est sympa, on aime bien les petites anecdotes comme ça. J'ai aussi un souvenir, on était allé avec mon fils et ma petite fille, on avait loué un mobilhome près de Damgan, dans le golfe du Morbihan, et on avait décidé d'aller passer la journée au village à la Gacilly, Yves-Rocher. Donc on est parti, en arrivant au syndicat d'initiative, on paye pour le resto le midi parce qu'il fallait réserver, on visite, on se promène, on mange, je vais aux toilettes et je prends mon porte-monnaie avec moi parce qu'il fallait payer les cafés. Je sors des toilettes. Mon porte-monnaie, il est où ? Je trouve pas mon porte-monnaie, je tape dans ma poche. Là, j'ai toujours mon portable dans ma poche, je sens quelque chose, mais bon. J'arrive à la table, je dis ça à mon fils, il est allé dans les toilettes des femmes, il a tout vidé pour voir si on retrouve. Enfin, on n'a pas retrouvé le porte-monnaie, quoi. Donc on décide d'aller faire arrêt sur, vite fait, la première banque venue. On fait une dizaine de kilomètres dans la campagne. On s'arrête, je fais arrêt. Et puis ils me disent, parce que j'avais ma carte bleue quand même dans mon porte-monnaie. Et ils me disent, il faut aller à la gendarmerie pour faire la déclaration. On va à la gendarmerie, c'était pas très loin. Ils me disent, mais non, c'est pas notre juridiction, il faut aller. On avait 30 kilomètres à faire parce que c'était de l'autre côté par rapport à la Gacilly. Donc on arrive dans la gendarmerie, il n'y avait qu'un gendarme de garde et je pouvais rentrer seul dans la gendarmerie. Donc je rentre, il commence à prendre ma déclaration et il appelait au téléphone, il s'en va dans la salle à côté. Pendant ce temps-là, je tâte pour prendre mon portable pour voir l'heure. C'était pas mon portable que j'avais dans ma poche, c'était mon porte-monnaie. Et alors, j'ai dit, excusez-moi, regardez ce que j'ai retrouvé. Alors je lui explique, mais je dis, mon fils, il va me pourrir quand je vais sortir. Il me dit, si vous voulez, je vais leur dire qu'il nous a été rapporté. Moi, je ne sais pas mentir de toute façon, alors un jour ou l'autre, je me serais vendu. Ce qui ne dérangeait pas le gendarme, vraisemblablement. Alors, je suis sortie en larmes. On peut faire un mensonge. Ma petite fille a éclaté de rire, bien sûr, quand on lui a dit ça. Et mon fils m'a pris dans ses bras et me dit, allez, viens maman, on rentre. Voilà. Moi, tout est bien qui finit bien. Oui. Donc j'ai fait le reste du séjour en Bretagne parce que on avait loué pour une semaine sans argent. Alors j'ai emprunté des sous, j'ai dû rembourser après. Puis tout s'est bien déroulé après, quoi. Mais des souvenirs comme ça. Au moins on se rappelle. Mais la Gacilly, je ne sais pas si vous y êtes allé. C'est un village qui mérite d'être vu. Oui, la Gacilly, Moi j'y suis allée. Morissette, elle y est allée. Ouais. On peut lui donner le micro à Morissette, s'il vous plaît, Tiennette. Ouais, à la Gacilly, moi, j'y suis allée il y a 4 ans, peut-être. Mais c'est beau, c'est un beau village. C'est fleuri. Oui, c'est un beau village. Et puis, c'est bien, quoi, ça fait une grande promenade. J'étais chez mes cousins à côté de Rennes. Et puis, on a voyagé, On fait plein de visites quand je vais chez eux. Ouais, c'est vraiment bien. Très bien. Moi aussi, je suis allé en Bretagne, mais j'ai évité les fleurs et je suis allé à Pouldrosic, là où il y a les pâtés Enaf. Ah parce oui. que c'était quand même très sympa. Avec dégustation et tout, c'était vraiment sympa. Sinon, je voulais dire aussi, s'il y a une ville aussi où on peut voyager très loin juste avec un ticket de métro, c'est Paris. Non, c'est Paris, évidemment. C'est... Moi, comme j'ai circulé pendant des nuits, puisque je travaillais la nuit à la RATP, donc je voyageais dans Paris toute la nuit. Et à chaque fois, je disais, tiens, ça, il faudrait que je fasse. Et quand j'ai eu ma retraite, bah, j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait autour de moi. Et je suis parti. La première fois que je suis parti, c'est dans le 13e, Chinatown. Parce que vous avez vraiment l'impression d'être en Chine. Faut savoir qu'à cette époque-là, il y avait encore des cabines téléphoniques. Elles étaient en forme de pagode. Y avait un truc aussi qui m'avait étonné. Il y avait une agence immobilière. Tout était rédigé en chinois. Apparemment, on m'a dit, mais même à l'église, le prêtre est chinois et il fait sa messe en chinois. Le McDonald's était aussi avec un toit en forme de pagode et le double affichage des menus. Et puis, il y a tout ce qu'il y a à voir, quoi, les boutiques, les restaurants. Alors, on m'avait dit, surtout les restaurants, tu regardes s'il y a des Chinois dedans. Parce que si tu ne fais pas attention à ce qu'il y a autour, mais tu regardes s'il y a des Chinois qui mangent. Parce que s'il y a des Chinois qui mangent, c'est que ça veut dire que ça vaut le coup. C'est vraiment la cuisine traditionnelle. J'y suis allée samedi. C'est vrai ? Ouais. Ah ouais. Ouais, ouais. Ouais. J'ai mangé chinois, j'ai mangé les pâtes au poulet. Alors, ils servent ça dans des grands... Des woks ? Je ne sais pas comment ça s'appelle. Enfin, pour nous, ça fait le saladier, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Et j'ai bien mangé. C'était bon. Moi, la première fois que je suis rentré dans le resto, sincèrement, il fallait avoir envie, quoi. Ça faisait un peu coupe-gorge, quoi. Donc, on est rentré là et en fin de compte, c'était des tables avec des bancs. Et le serveur, il vous asseyait là où il y avait de la place. Donc je me suis retrouvé à côté de deux Chinois et donc j'ai mangé des raviolis chinois dans leur soupe là. J'en ai jamais remangé des comme ça. Jamais j'ai retrouvé c'est le goût de la cuisine. Et puis si vous en avez marre à Paris du quartier chinois, bah, vous montez à la Goutte d'Or. Et là la Goutte d'Or, bah, c'est le Maghreb. C'est pareil, il faut pas avoir d'a priori, mais les boutiques, les vêtements. Il y a aussi une rue à Paris qui est, je me souviens plus du nom de cette rue là, mais c'est l'Afrique, c'est un quartier africain. Et Château Rouge, non ? Château Rouge. Ah, c'est bien, merci beaucoup. Oui, mais j'ai... Ah ouais, Château Rouge. Je voyage un petit peu. Ouais, ouais, Château Rouge. Bah là, les coiffeurs, je pense qu'ils t'ont proposé des tresses, non ? Parce qu'en général... Non, même pas, mais je me rappelle d'un vidéoclub où ils avaient le fameux Gaou d'Abidjan, qui est c'est leur feuilleton préféré. Alors, tout le monde parlait de Gaou. Gaou, il est parti, sa femme est restée à la maison, et oh là là, Gaou. Ah oui, j'ai vu l'épisode, c'était très drôle. Ouais. Et puis, bah, tout le reste, quoi, quand les tissus, là, tu sais, les tissus, ce qu'ils appellent le wax, c'est vachement coloré, c'est tout ça. Ils vous alpaguent parce que c'est moins cher dans sa boutique, bah, pas en face. Là encore, je n'ai pas d'a priori, donc j'y vais. J'y vais. Et puis, bah, si vous voulez vraiment picoler, bah, vous allez à côté de Montparnasse, et là, c'est le quartier breton. Donc là, il y a des bars qui sont ouverts non-stop, jour et nuit. Ils ne ferment jamais. Et bon, ben voilà, ça peut être la fête. Hein. Ça peut être la fête. Avec modération. Bien sûr. Bien sûr. On n'a pas entendu Michel. Je suis sûre qu'elle a plein de choses à nous raconter sur des beaux voyages ou de beaux séjours. Non, j'ai pas tellement voyagé, moi. C'est la vrai. La seule fois que je suis sortie de France, c'était pour aller en Belgique, à Gand. Ah, Gand, magnifique Gand. Et il faisait pas chaud, parce que c'était au mois de février. Et plus on montait, c'était bizarre parce qu'on était à côté de l'île. Il faisait déjà pas chaud, mais c'est marrant. C'est ce qui m'a interpellée, c'est que plus on montait, plus je trouvais qu'il faisait froid. Autrement, c'est une ville sympa, quoi. C'est mais joli. Ce que j'avais pas apprécié, c'est les pavés. Ah oui. Parce que il y a eu que les pavés, mais c'est que c'était très espacé entre chaque pavé. J'avais pas des talons aiguilles, mais j'avais des talons quand même un peu. Ah oui, pas l'idéal. Pas facile pour marcher. Et j'ai quand même un bon souvenir de la ville, mais ce qui m'avait un peu déçu, c'est l'accueil. On avait rentré dans une chocolaterie et j'ai trouvé que la serveuse était vraiment très mal aimable. Ah, tiens donc. Je crois pas parce que elle parlait pas bien le français, justement, mais. Mais ça m'avait choqué. J'ai acheté du chocolat et je suis mal reçue. En France, on n'est peut-être pas toujours souriant, mais de là, un air agressif, quoi. Oui, ça ne laisse pas de bons souvenirs, non, évidemment, quand on visite un lieu. Donc, c'est la seule fois que je suis sortie de France. Et, autrement, la ville, c'était sympa quand même. Mais, non, autrement, je suis allée... moi, c'est plus dans la famille et de la famille, surtout ma sœur, la dernière, parce qu'elle elle s'est déplacée pas mal. Hein. Ça m'a permis de voyager un peu. Moi, c'est surtout la Normandie. Il y a eu le Nord, puisque l'île, c'est pareil, c'est bien. Il faut se méfier des pigeons, par contre. Ils canardent bien. Et puis, autrement, je suis allée en Normandie. Il y a des coins sympas. Ce que j'avais beaucoup aimé, c'est Rouen. Parce qu'à Rouen, ma sœur m'a emmenée voir l'Armada. Chose que je rêvais de voir, hein, des galions, des bateaux à voile. Et là, moi, elle m'a fait un plaisir immense parce qu'arriver avec tous ces bateaux-là, elle m'a amené les larmes aux yeux. Mm. Parce que ça, j'ai adoré ça. Mais autrement, c'est pareil. Moi, je trouve qu'en Normandie, il y a des jolis coins. On dit qu'il pleut tout le temps. Oui, ça arrive qu'il pleuve quand j'y vais. Mais il y a des endroits où je me souviens aller à Veules-les-Roses. C'est un joli coin, je trouve. La plus petite rivière de France. Et puis c'est magnifique, quoi. Ces maisons là, puis toutes ces roses. Enfin bon, moi je trouve que c'est un endroit magnifique. J'ai fait un peu la Bretagne aussi, mais en vacances avec une autre de mes sœurs. Il y a des beaux coins aussi en Bretagne. Hein. Je me rappelle pas le village qu'on avait été voir. C'est tout en pierre grise et il y a beaucoup de géraniums sur les fenêtres, tout ça. C'est un village qui est souvent visité, mais le nom me revient pas. Rochefort-en-Terre. Voilà, Rochefort-en-Terre. Oui. Mais c'est magnifique. Ah c'est, oui, c'est la capitale du savon. Il y a plein de petites savonneries à Rochefort-en-Terre. Oui, c'est vraiment... Il y a de la fleur, oui, c'est vrai. Oui, c'est magnifique. Ouais, je suis allée à Paris une fois, 8 jours. C'est ma tante qui habitait Paris. J'avais été passer 8 jours chez ma tante. Là, j'ai visité la Tour Eiffel avec mon cousin. J'ai dit, il me dit, on prend l'ascenseur. Je dis, non, on monte à pied. J'ai fait beaucoup marcher parce que j'étais jeune. Hein. On a vu le Sacré-Cœur, on a vu la cathédrale, Notre-Dame. Mmh. J'ai dit à ma tante, je ne vivrai pas ici. Hein. Mmh. Il y a des belles choses à voir, mais je préfère encore visiter la Bretagne, la Normandie ou des choses comme ça. C'est plus. Enfin, pour moi. Pour moi, c'est bien, plus. Oui. C'est complètement différent. Parce que moi, bon. Moi, je sais que je suis parisien. Hein. Je suis né juste à côté. Je suis parisien. J'ai passé toute mon enfance, ma vie d'adulte. Et je suis venu ici. Je suis bien ici. Je suis bien. Parce que, Paris devenait un peu trop bizarre à mon goût. Mm-hmm. Mais ça m'arrive de regarder des vidéos, d'aller chercher des vidéos de quartier de Paris parce que Paris me manque. Paris me manque, l'animation, le côté grande ville, pouvoir à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit se trouver un resto. Ça me manque. Je ne dis pas que je me précipite derrière une voiture pour respirer les gaz d'échappement parce que ça me manque de trop, mais il y a cette ambiance, même le métro. Mais j'y travaillais pourtant. Le métro, l'odeur du métro, l'odeur particulière du métro. Mmh. Et vous savez à quoi elle est due, l'odeur du métro, dans le temps? C'est qu'en fin de compte, le frein de l'ancien matériel, hein, pas celui maintenant, les freins étaient en bois, un bois qui venait d'Afrique. Et en s'échauffant, c'est ce bois qui apportait l'odeur spécifique au métro. Tiens, d'accord. Ouais, le métro, on appelait ça le Sprite, c'était une marque allemande. Et tout ça, c'est toutes ces petites choses-là. Et ça, je pense que c'est pareil pour tout, d'où vous veniez. Moi, je suis parisienne aussi. C'est pareil pour la Belgique. Quand je rentre en Belgique, que je commence à aller dans une friture où je suis chez moi. Je suis chez moi. Et on a une mémoire pour tout là-dessus. Et elle coule vraiment dans nos veines. Oui, moi, je trouve que quand je rentre, que ce soit par la route, par le train, j'arrive en Touraine, je me dis quand même, qu'est-ce que c'est beau, la Touraine. Ouais, moi, je m'y plais bien en Touraine aussi. Je suis parisienne. Mais j'ai beaucoup voyagé aussi. J'ai habité dans l'Aude, j'ai habité en Charente, j'ai habité dans la Vienne, j'ai habité en Touraine. Mais j'aurais pas aimé habiter Paris. Mais par contre, c'est la culture qu'il y a à Paris. On a plein de choses, que ce soit le théâtre vivant, que ce soit. Voilà, le, oui, il y a plein de choses. Les monuments, c'est magnifique, il y a toujours. On pourrait. Un Parisien qui aurait du fric, il peut passer ses journées à découvrir des choses magnifiques. Oui, oui. Oui. Voilà. Les premières années de ma retraite, c'est ce que j'ai fait. J'allais beaucoup, je m'étais inscrit dans des théâtres, je prenais des abonnements, etc. Faut savoir qu'il y a des théâtres, notamment, il y a deux endroits à Paris où il y a un kiosque, et vous allez au kiosque acheter des places pour le soir, parce qu'elles sont bradées, puisque c'est du remplissage qu'ils font. Donc vous alliez à l'époque pour 10 euros, quoi, vous alliez au théâtre et vous voyez des acteurs pas du tout de second rôle. Et Jean Lefebvre, Marc Mercadier, tout ça, j'allais sur les théâtres du Haut Boulevard des Italiens, puisque c'est là où on a le théâtre pour rigoler, et le théâtre de boulevard. Mais c'est vrai, les musées aussi, en prenant des abonnements. Moi, pendant des années, j'avais pris un abonnement à une association qui s'appelle Les Amis du Louvre. C'est-à-dire, vous payez, à l'époque, j'avais payé 36 euros, et j'y rentrais quand je voulais, voire plusieurs fois par jour. Et comme il y avait un parrainage, il y avait deux ou trois musées, le musée Carnavalet, tout ça, où j'avais aussi accès. Parce que le musée du Louvre, on n'en fait jamais le tour. Jamais. Oui. En plus, il y a les salles. En faisant partie de cette association, on était invité, si on voulait y aller, ce qu'ils appelaient les accrochages. C'est-à-dire des nouvelles acquisitions, où les tableaux qui avaient été prêtés, ou les sculptures qui avaient été prêtées au musée du monde entier, puisque ça partait le jour, j'ai vu, il y a Samothrace qui va partir à Dubaï. Et donc, on était invités. C'était sympa parce qu'il y avait, à chaque fois, il y avait le champagne et les petits gâteaux. Vous jetiez pas de soupe sur les œuvres ? Non, non, ça, mais c'est d'une bêtise, ça. Vous voulez que je vous dise un secret ? Enfin, c'en est peut-être plus un. La Joconde, c'est pas la vraie. C'est une copie. Ils ont trop peur. Ils ont trop peur qu'il y arrive quelque chose. Ah. Et elle est dans les sous-sols. Et dans le dernier sous-sol, il y a 5 sous-sols en dessous. Et elle est vraiment bien planquée, et c'est une belle copie. Et en plus, elle est protégée par il y a une vitre devant. Oui. Et après, ils ont commencé à éloigner les gens, mais ça n'a pas empêché que l'autre jour, la compagnie Liebig là vienne. Et puis, c'est pareil, ils ont fait ça aussi en Belgique, chez Magritte, chez tout ça. Ils ont. Moi, ça, je trouve ça complètement inutile, parce que ça fait parler. Ouais, voilà, ça fait parler. Mais bon, à la limite, à choper un politique et puis mettez-lui de la soupe et puis des plumes sur lui, et puis ça sera drôle au moins. Ça se fait plus, ça, les entartrages. Ah, ça, c'était un Belge, Monsieur Gloup. Parce que quand il allait entarter les gens, il disait Gloup, Gloup, Gloup. Il a entarté plusieurs fois Bernard-Henri Lévy. Il s'est fait entarter. Voilà. Bon, là, on n'est plus en voyage, on est carrément. On n'a pas entendu Pierrette et Yvette. J'ai juste une petite chose pour Michel. Finir pour moi. Le dernier voyage que j'ai fait, entre guillemets, parce que j'étais chez ma sœur, elle m'a emmenée à Fécamp voir la bénédictine. Oui. Bon, la bénédictine, déjà, ils nous ont fait faire des dégustations. Je trouvais ça très bon parce que je ne connaissais pas. Mm-hmm. Mais alors, c'est la bénédictine par elle-même. C'est magnifique. Ah oui ? On a vraiment des sculptures. Enfin, il y a eu des sculpteurs, des peintres et tout ça. Mais moi, j'étais soufflée de toutes ces sculptures extérieures, intérieures, tout ça. C'était vraiment magnifique. C'est des lieux vraiment qui demandent à être visités, parce que moi, j'en suis restée vraiment... Ce qu'on pose en général, c'est « Mais ça, c'est fait quand ?» Oui, ça, c'est fait quand ? À quand ? Yvette, un souvenir de voyage, de séjour ? J'ai pas beaucoup voyagé. J'ai une petite anecdote. On était un groupe de 10. On a été 3 jours à Londres. Et j'ai une petite anecdote de ce séjour. Donc, on a visité, on a fait le bus découvert touristique. Mmh. Enfin, le bus découvert touristique, oui. On a fait le fish and chips. On s'est promené. Et un jour, on a été voir la relève de la garde à Buckingham. Ah ! Alors, il y avait énormément de monde devant les grilles. C'était des grandes grilles, très, très jolies. Et il y avait énormément de monde, mais c'est très long, la relève de la garde. Alors, par un moment, je m'approche parce que je suis petite et je voulais voir un peu mieux. Et puis, ça dure un bon moment. Et puis, bon, quand ça s'est terminé, tout le monde est parti... Ça s'est un petit peu dispersé. Et puis, je me retourne et je ne vois plus le groupe. Ils étaient repartis. On m'avait oublié. Donc, je n'avais pas de téléphone, je ne parlais pas anglais, je ne savais pas où ils allaient. Donc un petit peu paniqué quand même. Et puis je me suis dit, ben, de toute manière, je vais rester là, ils vont bien finir par s'en apercevoir. Mais j'ai bien fait parce que... Mais on trouve le temps long. Hein. Vous êtes restée toute seule combien de temps à les attendre? Je ne sais pas trop, mais au bout d'un moment, ils se sont aperçus. Oh, il manque quelqu'un. Donc, ils m'ont récupéré, mais bon. Comme quoi, même quand ce n'est pas un groupe d'enfants, il faut toujours recompter. Après, on était 10, c'est vrai que quand il y a beaucoup de monde, ce n'est pas facile hein, de suivre comme ça. Bon, après, on n'arrêtait pas de se compter, mais bon. Donc, les visites qu'on suivit, elle est bien restée dans le groupe, elle ne s'est pas approchée pour voir mieux. Je ne suis pas égarée du groupe. Voilà, ma petite anecdote de voyage. On en reparle après en souriant, mais c'est vrai que sur le coup, les mésaventures en voyage, Voilà. Mais c'était sympa, sinon. Oui. C'était sympa. On a eu beau temps et tout, impeccable. Oui, à Londres. Si, on était dans le premier étage du bus découvert, donc forcément, il faisait beau. Hein. Ouais. C'était au mois de septembre, mais il faisait très beau. Oui. Voilà. Très contente de l'architecture, c'est très très joli aussi. Ah ouais, j'y retournerai, ouais. Parce qu'on n'a pas le temps de tout voir en trois jours, c'est vite fait, c'est vite passé. Oui, tout à fait. La relève de la garde, c'est joli. Pour la garde à Buckingham, il faut faire très attention quand on s'approche. Ils sont dans leur guitoune, là, ou pas de guitoune d'ailleurs, avec tout le costume et tout ça. Mais à un moment donné, donc, ils ont des choses à faire, les gardes. Ils sortent de la guitoune, il fait à peu près disons 50 mètres, il regarde comme ça, il fait demi-tour et il rentre. Mais si vous êtes sur son passage, il vous vire. Il hurle déjà. Il crie place à la garde royale de Sa Majesté, enfin voilà. Et si jamais vous bougez pas, il vous vire, il vous pousse. Et moi j'ai vu notamment sur des garçons, des petits garçons qui étaient là, il leur a rentré dedans carrément. Hein. Donc il faut bien faire attention à la garde quand ils commencent à bouger, de pas être sur leur passage. Est-ce que Pierrette, elle a un souvenir à partager avec nous aussi? J'ai été au Mont Saint-Michel que j'ai bien aimé. J'étais à Moustier-Sainte-Marie aussi, dans le... Ah, c'est beau. J'ai fait les gorges du Verdon. Ah oui. Ah oui. Ça, c'est... Magnifique aussi, ouais. Autrement, ça tourne, hein? Oui. Autrement, j'ai été du côté, dans le 36, c'est un petit lac. Il y a des très beaux villages par là. Un lac dans le 36. Est-ce que vous l'avez? Mais je ne me rappelle plus. On va demander à notre ami Google, peut-être. C'est un lac ou c'est un barrage? Le barrage. D'Écluson. Ah, voilà. Oui, d'accord. Ah, des superbes endroits en France. Il y a un pays que tu aimerais voir, que tu n'as pas vu et que tu aimerais vraiment... Ah oui, c'est une bonne question, ça, Morissette. On pourra effectivement faire un tour de table après aussi de qu'est-ce que ce serait quoi votre rêve? La Normandie, voilà. Et pourquoi la Normandie? Parce que je ne connais pas. Et puis pour... Pour voir. Les plages du débarquement, par exemple, c'est quelque chose que vous aimeriez voir? Oui. Oui. Moi, je n'ai jamais fait, mais il paraît que c'est saisissant. Oui. Et c'est quelque chose... On l'a fait avec l'école, nous, à Romanches... Et il y a des endroits, c'est quand même... J'ai une de mes sœurs qui a fait toute la Manche. Oui. Et puis un peu la Normandie. Et a dit de voir tous les cimetières. Puis bon, il y a des endroits, elle dit, c'est quand même prenant. Elle dit, ah oui. Il y a des endroits magnifiques, mais elle dit, il y a des endroits, c'est émouvant quand même. Elle dit, c'est... Ah bah évidemment, il y a des lieux comme oui, ça. Oui, mais il n'y a pas que des cimetières américains ou anglais. Mais non, moi quand j'étais petite, je suis allée avec mes parents visiter Oradour-sur-Glane. Oh, et pourtant, j'étais petite, hein, mais ça m'avait marquée. Oui. J'ai toujours ce souvenir d'une voiture incendiée, brûlée. Oui. Au milieu de la rue principale, là. Ouais. Ça m'a marqué. Et pourtant, je n'étais pas en âge de comprendre. Mais oui, c'était déjà pesant à l'époque. Ouais. Moi, j'y suis allée à Oradour-sur-Glane en 1976, quand je suis arrivée en Charente. Et c'est vrai que c'est prenant parce qu'il y avait tout encore intact. Maintenant, ce n'est plus du tout pareil. C'est fermé, on ne peut plus voir... Je suis rentrée dans l'église et tout. J'ai même vu la dame qui a sauté dans l'église. La seule survivante. Non, il y a eu six survivants, Oui, mais c'est elle qui avait sauté de la flèche de l'église, ah, tout ça. Et ça vraiment, c'était, c'était prenant. Quand on sort de là, on est... Oui. Ah oui. Oui, moi, je l'ai fait en 82. Oui, moi, j'y suis allée plusieurs fois parce qu'à chaque fois que quelqu'un venait à la maison, il voulait aller voir. Comme j'habitais pas loin, j'habitais à Confolens, c'était pas loin. Ça faisait une cinquantaine de kilomètres. Donc, mais c'est vrai que c'était très, très, très prenant. Ouais, oui, y a des lieux, mais aujourd'hui, c'est plus pareil parce que c'est... On ne peut plus rentrer dans les maisons, on ne peut plus... Dans l'école, tout ça, c'est fini. On ne peut plus... Mais à l'époque, on pouvait y rentrer. Et c'était dur. On sort avec les larmes. Il y a encore les rails de, du tram. Ouais, ouais. Et comment, il y a le puits là où donc il marque dessus, ouais. Ici. On a retrouvé X corps et tout. Non, non, c'est vachement... Guy, vous l'avez visité au Radour ? Oui. Oui, bon, plusieurs fois. Ce qui m'avait impressionné, une petite bourgade comme ça, d'avoir le trolley. C'était pas courant, quand même. Ah, le trolley était vachement loin, hein, parce qu'ils arrivaient à relier Limoges. Ah, oui. Ouais. Ah, d'accord. C'était pas local. Non, c'était pas local. Ah, d'accord. La division qui est venue et qui les a massacrés, ils se sont servis de ça, du trolley. Ils ont laissé les gens... Ils ont laissé les hommes partir au travail. Le plus qu'ils travaillaient, c'était sur Limoges, etc. Comme ça, ils n'avaient plus que les femmes et les enfants. Courageux, mais pas téméraire, la division d'Eisreich. Et donc, ils ont fait au Radour. Mais au Radour, c'est le pire, mais il n'y a pas eu qu'au Radour. Ils ont continué après. Ils ont continué dans d'autres villages. Il y a même eu Maillet. Pas dans la Vienne, le Vigan. Ouais, ouais. De toute façon, si ils ont. Connaissez. Ouais, ouais, ils ont. Ils ont le Vigan, vous. Oui, j'ai vu. De Confolens. Ils se sont fait zigouiller plein, là, parce qu'ils étaient maladroits, quoi. Mais c'était connu, hein. Il y avait pas mal de morts. Mais le pire, c'est au Radour. Ils s'étaient trompés, d'ailleurs. C'est pas ils se sont pas trompés pas de ville. Là qu'ils devaient. C'est ouais, c'était pas cette ville-là qui devait faire. Non, ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Ça, c'est au Radour sur Glane, et l'autre, c'était au Radour vert, je crois. Voilà, c'est ça, oui, je crois. Mon mari y a été présenté les armes. Il était soldat à ce moment-là, militaire. Et il a été présenté les armes à Michel. Oui. C'était pas réjouissant non plus. Hein. Surtout que c'était frais fait, en fait. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est la ville qui a été reconstruite à côté, qui est faite avec des bâtiments qui ressemblent tous, puisqu'ils ont été un peu comme le Havre. Le centre du Havre, il a été reconstruit complètement... à l'identique, pas à l'identique d'avant, mais avec des immeubles qui n'ont rien à voir avec l'architecture, quoi. Et on avait été se balader avant dans la ville, on comptait y aller à l'après-midi, et on a mangé donc sur place, et le restaurateur nous a dit « Vous faites bien manger maintenant, parce que après vous ne pourrez plus. » Et en fin de compte, il avait raison, parce que c'est trop prenant. Bon, c'est pas gay tout ça. Non, c'est pas très gay. Hein. C'est vrai qu'on est parti dans des choses un peu... Mais bon, les voyages peuvent... C'est de la vie, hein. Sûr, ouais. Ça fait partie aussi des émotions, voilà, qu'on peut ressentir quand on voyage quelque part. On va peut-être marquer une petite pause en musique, et puis comme ça, on se retrouve tout de suite après. Je crois que Morissette a des choses à nous dire. Et ben, puisque la thématique, c'est les voyages, on va écouter des Irlaises, voyage. Ben oui, allez, des Irlaises. À tout de suite sur Radioactive. Voyage, voyage, éternellement. C'était Désirless Voyage Voyage sur Radioactive. Nous sommes de retour dans l'émission Les Retraités s'activent en compagnie aujourd'hui de Morissette, Étiennette, Pierrette, Yvette, Michel, Gérard, Christiane, qui est partie un petit peu avant, mais qu'on salue également. Morissette, numéro 2. Et puis Marcel et Guy pour sa première. Donc on a évoqué un petit peu les voyages, hein, les lieux qui vous plaisaient à chacun, que vous avez pu visiter. Maintenant, si on devait claquer des doigts et aller dans un endroit qui nous fait envie, qu'on a envie de découvrir, qu'est-ce que ce serait pour vous, Morissette ? Alors moi, c'est l'île sur la Sorgue, parce que c'est un village magnifique. L'entourage de l'île sur la Sorgue, c'est super. Il y a plein de petits villages. Mmh. Il y a Gordes, le plus beau village de France. Alors, c'est où, ça, l'île sur la Sorgue ? L'île sur la Sorgue, c'est dans le, à côté d'Avignon, pas loin d'Avignon. Mmh. C'est le Vaucluse. Oui, oui, oui. C'est le Vaucluse. Oui, bah c'était bien ça. Voilà. Et c'est magnifique. C'est magnifique. J'y suis allée. J'y suis allée déjà 3 fois. Mais je rêve d'y retourner encore. Voilà. Ça se voit, oui. Voilà. Et bien, on le note. Je laisse la parole aux autres. Alors, Étiennette. Il faut un endroit très pratique. Ouais, mais si on pouvait claquer des doigts, votre rêve. Un endroit qui est très facile pour marcher. Oui, mais bon, dans ton rêve, vous savez. Je rêve pas, moi, de trucs comme ça, non. Bah, je rêvais d'aller à Villandry, on n'y a encore pas été. Ah ben voilà, c'est Villandry. Une réponse, ça. Les jardins de Villandry. Il faut marcher aussi, mais enfin bon, on peut s'arranger. J'aimerais bien y aller, moi. Ben, il n'est pas Chaumont, trop tard. Chaumont, j'y étais. Bon, donc d'accord, ah oui. Puis c'est trop accidenté pour moi, mais Villandry, ça a l'air d'être plus plat, alors... Ah ça, c'est pas évident. Hein. Non, bon, avec le déambulateur, oui, voilà. Merci, Étiennette. Villandry, il faut y aller à l'automne, c'est là que c'est le plus magnifique. Il y a les fruits, il y a les fleurs, c'est magnifique. Pierrette, elle a une idée, elle, de son voyage rêvé ? Pompéi. Ah oui ? Oui. Pourquoi ? Pour... J'aime bien les vieilles pierres. Voilà. Ouais, il y a sûrement quelque chose d'assez fascinant, évidemment, à Pompéi. C'est l'histoire, c'est tout ça. Oui, ouais, bien sûr. Très bien. Yvette, pas spécialement. Alors moi, un lieu que Michel. J'aime... Enfin, il y en a même deux. Le plus près, c'est le Mont Saint-Michel. Mm-hmm. Je ne suis jamais allée, j'aurais aimé le voir. Alors, pas de jupe parapluie ce jour-là. On a bien noté. Hein. Et autrement, la Corse. Ah oui. Parce que j'en entends parler par mes cousins, tout ça, il paraît que c'est magnifique. Et c'est un endroit que j'aimerais bien voir. D'accord, très bien. Alors moi, sur un claquement de doigts, j'aimerais bien me retrouver sur le cercle arctique. Au moment où les aurores boréales sont là. Ah. Et j'en dis pas plus parce que je pense que ça va se faire. Donc, j'en ai encore parlé avec mes filles là et je pense que ça va se faire. Il y a une société donc, norvégienne qui organise un voyage. C'est un caboteur en fin de compte qui fait tous les petits ports de la Norvège. Et bon, ça coûte de la thune. Quoi. On imagine. Ça coûte beaucoup de thune. On voilà. imagine. Avec une veste polaire de chez Decathlon. ou d'autres marques, hein, ou Go Sport, ou voilà. Marcel. Bah, vu que j'ai beaucoup de mal à me déplacer, c'est délicat maintenant de faire des beaux voyages, mais je rêve de retourner en Provence, quand même, parce que c'est une région magnifique. Marseille, c'est une très jolie ville. Quoi qu'on en dise, c'est magnifique Marseille. Il y a plein de choses magnifiques à Marseille à voir et je rêve de retourner en Provence et j'espère bien y arriver un jour. Voilà. Le pays de Pagnol. Ouais, ouais. J'ai un fils qui habite au pied de la Sainte-Victoire. Mm-hmm. Ce gros caillou blanc là, qui passe par toutes les couleurs le matin ou le soir, c'est superbe. Cézanne a essayé de le peindre, à l'époque il n'y avait pas de photos. Et il en a peint plein de Sainte-Victoire parce qu'il n'arrivait pas à finir. Parce que les couchers de soleil, ça dure un quart d'heure. Puis après, c'est fini. La montagne change de couleur. Donc, il n'arrivait pas à finir ses tableaux. Il en est tombé fou, Cézanne, de cette Sainte-Victoire. Et c'est vraiment magnifique. Je l'ai vu un soir. Je ne l'avais jamais vu comme ça. On était sur le parking du Lidl à Rousset, au pied de la Sainte-Victoire, là. Et je voyais elle était rose et bleue. Je l'avais rose bonbon et bleu. C'était, ça a duré quoi, 5 minutes, c'est tout. Et les gens se démenaient sur le parking. Personne ne regardait. Je crois que je suis la seule à avoir vu ça, mais c'était superbe. C'est une très jolie région. Il y a plein de belles choses à voir. Et Guy, alors, est-ce que vous auriez... J'ai des difficultés pour marcher et rester debout. J'ai des problèmes d'équilibre. D'accord. Alors, les voyages... Et si vous n'aviez pas ce souci-là, qu'est-ce que vous aimeriez? Si c'était faisable et facile. On a voyagé quand même pas mal parce qu'à un moment, on avait un camping-car. Alors, on s'était baladé un peu partout. On était même en Autriche, des trucs comme ça. Ah oui. C'est bien l'Autriche. Hein. Ah oui. Pour l'instant, je suis tenté par rien. Ok. Morissette, elle voulait ajouter quelque chose? Oui, moi, je dis qu'il y a plein de voyages à faire partout. Je suis allée en Corse, j'étais dans le Vaucluse, j'ai été en Espagne, j'ai été en Bretagne, j'ai été en Normandie. Bon, j'ai vu beaucoup de choses déjà, sauf le Nord, je n'ai pas vu encore. Mais la France est belle et puis nous sommes le plus beau pays du monde. Mais voilà, soyons pas chauvins. Oui, voilà, pour conclure. Bon, moi, je voudrais quand même, avant qu'on se quitte, c'est un petit mot de Morissette, parce qu'en termes de voyage, elle a peut-être un petit mot à nous dire sur sa dernière virée. Moi, les voyages, je voulais quand même dire que, c'est comme je l'avais mis dans mon mail, c'est pas forcément quand on voyage pendant des jours, des mois. Franchement, moi, la notion voyage, c'est vraiment la magie du lieu... voilà, je ne suis pas forcément à dire il faut partir loin, longtemps, pas du tout. Hein. Ça fait rêver de voyager. Vous pouvez voyager dans votre tête par rapport effectivement à des cartes postales, à des souvenirs que vous avez rapportés, que vous avez mis au mur ou pas. Enfin, voilà, voyager, ce n'est pas simplement toujours bouger. C'est aussi regarder un livre, une émission. Il y a des très belles émissions. Je ne citerai pas de nom, je ne ferai pas de pub. Mais il y a des très belles émissions qui nous parlent des beaux villages, pardon, de beaux pays. Donc voilà, pour moi, le voyage, c'est ça. Ce n'est pas forcément bouger longtemps. La Touraine est belle. Il y a plein de choses à visiter en Touraine. D'accord avec toi, Morissette 1. Ouais, mais c'est vrai, la Touraine, c'est magnifique. Hein. Oui, tout à fait d'accord. Oui, moi, je voyage par rapport à ma sœur qui voyage beaucoup. Elle m'envoie les photos et elle me fait voir des parce qu'elle a fait pas mal de pays. Elle a fait l'Afrique du Sud, elle a fait l'Égypte, elle a fait les îles à côté des Indes, là, le Sri Lanka, elle a fait tout ça. Ah oui. Et j'ai des cousins qui ont voyagé aussi. Et finalement, je voyage grâce à eux, parce qu'ils m'envoient les photos ou ils m'en parlent et moi ça me fait voyager, ça me suffit pour l'instant parce que j'ai pas les moyens, alors et on peut voyager comme ça aussi, quoi. Bah oui, c'est bien aussi. Bon, bah, la télé, c'est pareil, Il y a des belles émissions télé, belles, oui, émissions, qui font voyager, oui. De beaux documentaires qui, quand ils sont bien faits, nous embarquent, oui, je suis d'accord. Ah oui, ça, moi j'aime bien tout ce qui est voyage comme ça à la télé, ouais. C'est super. Très bien. Et toi, Marlène, donne-nous ton voyage secret, ton rêve le plus secret. Ah, je sais pas, peut-être Taj Mahal. Ah, oui, pourquoi pas? C'est tellement beau. C'est où? En Inde. En Inde, oui. Ouais, parce qu'en plus, c'est un monument qui est amené à disparaître. Ouais, parce que... Ouais. Non, du tout. Moi, je suis allée au Maroc plusieurs fois. Je suis allée en Turquie. J'ai visité Istanbul, une ville magnifique. Je suis allée à Prague, en République tchèque. Très, très beau aussi. J'ai fait pas mal de jolis voyages. Mais le problème avec les voyages, c'est que quand on y goûte, on en veut encore. C'est pas toujours évident de voyager. C'est un budget, c'est du temps. Après, tout dépend où on veut aller, parce qu'il y a quand même des destinations qui, même si on se débrouille bien, restent quand même assez chères. Ne serait-ce que tout à l'heure, Yvette, elle parlait de Londres. Londres, c'est très, très cher. Hein. C'est peut-être pas le plus loin, mais clairement, pour le même budget, vous pouvez avoir un Riyad tout service au Maroc. L'Angleterre, c'est très cher. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir partagé avec nous vos plus beaux voyages, vos plus beaux rêves de voyage, vos séjours. On se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro des Retraités s'activent où nous parlerons, avec l'arrivée du printemps, du jardinage. Et des astuces. Merci à tous, à très bientôt. Merci.